renoncer définitivement aux voyages spatiaux. Si l'on en croit une étude récente sur l'influence des rayons cosmiques sur notre cerveau, c'est bien probable, à moins de risquer que les futurs colons spatiaux n'arrivent tous complètement demeurés à destination. Peu importe finalement, puisqu'au vu des récents progrès affichés par la robotique, nous serons bientôt une espèce révolue. Le robot Sophia est le premier à avoir reçu une nationalité et Boston Dynamics va un cran plus loin dans ses robots mobiles. Et pour finir, la mer morte ne sera bientôt plus qu'un souvenir et la région qui l'entoure également. Les dolines, ces effondrements de terrain, se multiplient à vitesse exponentielle. Voyage spatial, robotique et dolines, ce sont quelques-uns des problèmes optimistes que nous allons aborder dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces actualités engageantes et nous expliquer que quoi qu'il arrive, nous allons tous mourir parce que c'est ce que la science dit et comme chacun sait, la science a toujours raison. Notre équipe de déclinologues du jour est constituée de Cécile Lestienne. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction du magazine Pour la Science. Bonjour Olivier Lascar. Bonjour, bonjour à tous. Rédacteur en chef du pôle numérique de Science et Avenir. Et nous allons être rejoints dans quelques minutes par le camarade Patrick Beau, alias Axolot de la chaîne YouTube du même nom, qui est pris dans les embouteillages et qui est par ailleurs le fier papa d'un nouvel ouvrage « Lieux secrets, merveilles insolites de l'humanité » chez Duno. Mais avant de retrouver cette bande de tristes cires, heureusement, il reste une lueur d'espoir dans l'avenir et dans la science. Elle est la lumière qui éclaire d'une lueur bienveillante les toutes dernières actualités de la recherche, celle qui nous redonne confiance. Bonjour Zoé Sfez. Bonjour, je suis au moins ça. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est le journal des sciences. Le journal des sciences. Et pour commencer, eh bien, cet astéroïde baptisé Oumuamua, qui a été détecté en octobre dernier par un observatoire hawaïen, cet astéroïde provient bien d'un autre système que le nôtre. C'est la première observation, Zoé, d'un objet dit extrasolaire. Oui, alors on vous avait signalé dans le journal des sciences cet objet extrasolaire détecté le 19 octobre dernier, pour être précis, par le petit télescope Pan-STARRS 1, qui est basé à Hawaï. Il avait surpris les astronomes par l'excentricité de sa trajectoire supérieure à 1. Cette trajectoire, non pas elliptique, mais bien hyperbolique, nous indiquait qu'il ne venait pas de notre système solaire. Et le soir même, 51 observatoires dans le monde entier se sont mobilisés pour l'observer pendant qu'il était encore temps, puisque plus ça allait, plus il s'éloignait de nous. Et ils ont rendu compte de leurs observations dans un article publié cette semaine dans la revue Nature. Parmi les co-auteurs, on trouve Olivier Hainaut, astronome belge à l'Observatoire européen, qui a mobilisé exceptionnellement le Very Large Telescope basé au Chili. On s'est rendu compte que l'objet est rouge. Il a un spectre de réflectivité qui est rougeâtre, ce qui pour nous est assez familier. C'est le même rouge que les vieux astéroïdes et les surfaces de comètes de notre système solaire. Ce n'est pas une composition, évidemment, mais ça suggère que l'objet a la même composition de surface que nos vieux astéroïdes. Ce qui est intéressant, c'est puisque l'objet change énormément de luminosité. Quand on regarde de plus près, ça correspond à la rotation de l'objet. L'objet tourne sur lui-même et il a une forme irrégulière. Et donc, grâce à ça, on a pu déterminer qu'il tourne en 7,3 heures. Ce qui n'est pas... C'est pas énorme, c'est normal pour un astéroïde. En revanche, ce qui est complètement surprenant, c'est que quand on voit le petit bout, on a 10 fois moins de lumière que quand on voit le long bout, ce qui implique que l'objet est allongé et qu'il est 10 fois plus long que large. Et ça, c'est complètement unique. On n'a jamais vu ça dans notre système solaire. D'après sa forme, il y a peu de chances pour qu'il soit formé lentement par accumulation. C'est plutôt quelque chose de cataclysmique. D'où il vient, c'est la direction où se trouve Vega aujourd'hui. Mais comme Vega bouge aussi, Vega n'était pas du tout dans ce point-là de la galaxie. Donc, on ne peut pas dire exactement de quelle étoile il vient, mais en revanche, il a une vitesse normale pour le voisinage du Soleil. Le fait qu'il ait une vitesse normale, ça suggère aussi qu'il n'a jamais eu d'interaction avec une autre étoile. Voilà, c'était la première détection d'un objet extrasolaire, peut-être et certainement pas la dernière, Zoé, puisque la mise en fonction prochaine de télescopes beaucoup plus performants laisse espérer qu'on va pouvoir en observer d'autres. Oui, parce qu'on sait qu'ils sont très nombreux, ces objets extrasolaires. On estime en effet que notre propre système en a probablement éjecté plus de 90% de tous ceux qu'il a produits au cours de son histoire. Alors, il est probable que les systèmes voisins ont fait de même. On estimait jusque-là la densité de ces objets qui voyagent dans l'espace interstellaire à cette unité qui est un cube de 10 unités astronomiques de côté, chiffre qui est en fait en train d'être réévalué à la hausse depuis qu'on a découvert cet astéroïde. Car Pan-STARRS 1, le télescope hawaïen qui a découvert ce premier objet extrasolaire, c'est un tout petit télescope qui ne scrute qu'une infime partie du ciel. Le fait qu'il ait pu détecter cet objet, qui plus est un astéroïde et non pas une comète, est déjà une information en soi, explique Olivier Hainaut, qui compte, comme tous ses collègues, beaucoup sur la mise en fonction prévue en 2018 ou 2020 du très attendu télescope LLST, Large Symmetric Survey Telescope, qui est en construction actuellement au Chili. La plus grande surprise, c'est que le premier qu'on ait observé soit un astéroïde. Il y a deux arguments pour ça. Le premier, c'est que un astéroïde, c'est un caillou, pas très brillant, alors qu'une comète, quand elle s'approche du Soleil, le Soleil sublime la glace et forme la queue de la comète qui est gigantesque et qui est très facile à repérer. Donc d'un point de vue purement pratique, c'est plus facile de découvrir une comète qu'un astéroïde. Et d'autre part, on pense que historiquement, le système solaire aurait éjecté considérablement plus de comètes que d'astéroïdes. On s'attendait à ce que les objets interstellaires soient des comètes. Et là, le premier qu'on trouve est un astéroïde. Il faut clairement qu'on essaye de comprendre le pourquoi de cet astéroïde. Pour l'avenir, on finira bien par en avoir un qui passe suffisamment près. On pourra l'observer en lumière infrarouge. Ça permet d'obtenir des informations toutes simples, comme sa taille, mais aussi la texture de sa surface. Alors, on peut aussi rêver. Si on commence à avoir suffisamment de ces objets, on pourrait avoir une mission spatiale prête. Le rêve ultime, évidemment, ce serait de se poser dessus, de creuser et d'analyser avec des spectromètres de masse pour voir les détails de sa composition, en particulier les fameux rapports isotopiques. Donc la fraction d'un isotope par rapport aux atomes normaux est une caractéristique du système solaire. Ce serait intéressant de voir si ces rapports isotopiques sont les mêmes dans d'autres systèmes solaires. En bref, découverte d'une trentaine d'étoiles qui sont parmi les plus anciennes de notre galaxie, Zoé. Dans une étude parue cette semaine dans The Astronomical Journal, des chercheurs ont identifié 29 étoiles parmi les plus vieilles de notre galaxie. Toutes sont situées dans un rayon de 200 années-lumière. Parmi ces 29 étoiles seniors, qui ont entre 6 et 9 milliards d'années, donc seules deux sont binaires, leur étude va permettre de mieux comprendre l'histoire de notre galaxie. Et la ministre de la Culture a inauguré ce matin la nouvelle version d'Aglaé, qui est l'accélérateur de particules dédié à la restauration. D'œuvre d'art, en effet, ce nouvel Aglaé, long de 27 mètres, développé avec le CNRS, a remplacé l'ancien accélérateur de particules démonté en juillet 2016 après 28 années de fonctionnement. Son faisceau, plus stable, plus petit, doit permettre de diminuer la dose d'irradiation portée à l'œuvre d'art qui est observée. Allez, deuxième sujet de ce vendredi. Une équipe de l'INSERM a annoncé dans une étude publiée cette semaine avoir identifié un nouveau mécanisme qui permet de rétablir les fonctions respiratoires dans la mucoviscidose. Cette pathologie génétique qui touche un nouveau-né sur 4500, qui est liée à une déficience d'un gène extrêmement instable, qui affecte le fonctionnement de la protéine CFTR. On sait que cette protéine fonctionne comme un canal qui permet l'échange d'ions chlorure entre l'intérieur et l'extérieur des cellules. Quand elle est déficiente chez les patients, elle ne remplit plus son rôle et le canal se bloque. Il conduit donc à la destruction de l'épithélium pulmonaire. Alors que la plupart des traitements cliniques qui existent ou qui sont à l'étude ont concentré tous leurs efforts sur cette protéine avec peu de succès jusqu'ici, Olivier Tabary et son équipe du CHU de Saint-Antoine à Paris ont travaillé, eux, sur l'activation d'un autre canal baptisé ANO1 qui pourrait permettre aux patients de récupérer leurs fonctions respiratoires, comme l'explique Florence Sonneville, c'est la chef de projet sur cette étude. Mon travail portait sur l'étude donc, du canal chlorure ANO1, donc, qui est un canal chlorure proposé comme solution alternative chez les patients atteints de mucoviscidose. Puisque c'est un canal chlorure, tout comme CFTR, qui est le gène muté chez les patients atteints de mucoviscidose, et parce qu'il a aussi été montré précédemment par d'autres équipes comme impliqué dans différents paramètres qui sont aussi dérégulés chez les patients, donc la migration cellulaire, la sécrétion de bicarbonate, la prolifération, la réparation. Donc on a d'abord montré qu'un petit micro-ARN régulait directement ce canal en se fixant directement sur le canal ANO1. Donc on a essayé de trouver quelque chose qui pouvait se fixer sur ANO1 pour empêcher la fixation donc, du micro-ARN. En fait, on a designé une petite molécule qui est une suite d'oligonucléotides qui va se fixer sur le canal ANO1 et donc empêcher la fixation du micro-ARN qui le régule négativement. Alors concrètement, sur des cellules issues directement de patients ainsi que chez la souris, on a réussi avec cette molécule-là qu'on a designée à réaugmenter l'expression d'ANO1, son activité chlorure, la migration cellulaire, mais aussi la clairance mucociliaire Et c'était important pour nous de montrer que lorsqu'on utilise notre molécule, on a au final la même activité chlorure que celle de patients sains. En bref, une polémique autour d'une étude chinoise qui affirme que la pollution de l'air a un effet sur la qualité du sperme des hommes. Elle a été publiée mardi dans la revue Occupational et Environmental. Oh mon Dieu. Environmental. Médecine. Cette étude menée à Taïwan entre 2001 et 2014 sur une population de plus de 6000 hommes de 15 à 49 ans qui conclut un lien fort entre l'exposition aux particules fines PM2,5 dont de diamètre inférieur à 2,5 microns et une dégradation de la qualité du sperme chez les hommes. Elle a été largement relayée mais aussitôt critiquée, notamment en France et au Royaume-Uni puisqu'elle présenterait plusieurs gros biais méthodologiques. La peste serait arrivée en Europe des steppes eurasiennes il y a environ 5000 ans. Selon une étude publiée mercredi dans Current Biology, ce sont les nomades des steppes eurasiennes qui auraient apporté la peste en Europe entre la fin du néolithique il y a 4800 ans et les débuts de l'âge du bronze il y a 3700 ans. Des spécimens de cette bactérie ont été retrouvés sur des dents, des ossements humains qui datent de cette période aussi bien en Allemagne qu'en Russie, en Hongrie, en Croatie ou en Lettonie. Les chercheurs ont séquencé sur le génome de cette bactérie, Yersinia pestis, qui serait la responsable de l'infection. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, une étude qui va peut-être expliquer pourquoi certaines personnes vivent si longtemps. S'énerver, donner libre cours à sa colère permettrait de prolonger l'espérance de vie. Et oui, vous êtes à l'heure, je ne parlais pas de vous Nicolas, c'est un vous général, vous vous disputez haut et fort en couple avec vos enfants. Eh bien vous avez raison, c'est en substance ce que nous dit une méta-analyse menée par deux chercheurs de l'université d'Iéna en Allemagne. Alors on savait que les émotions s'expriment à coup d'hormones, que l'anxiété génère de l'adrénaline, surtout des glucocorticoïdes, et donc contribue à une baisse de l'immunité qui peut être dangereuse à long terme. Eh bien il en va de même quand on réprime sa colère ou sa peur. Les auteurs de cette étude ont observé les réactions physiologiques de quelques 6700 sujets dans des situations de stress. Et pour les auteurs, ce qu'on appelle les répresseurs, c'est comme ça que les appelait Freud, ceux qui gardent leurs émotions négatives ont des plus grands risques de développer à la fois de l'hypertension et des cancers. Et les deux auteurs qui n'hésitent pas à voir dans leurs résultats l'une des explications possibles de l'espérance de vie plus longue qu'on a chez les Italiens ou les Espagnols, qui sont plus prompts selon eux. Et oui, c'est quand même dans une des conclusions de l'étude à s'engueuler, franchement. En tout cas, on sait ce qu'il faut faire. Bienvenue dans la méta scientifique, une méthode où on a l'esprit ouvert, où on ne recycle pas des espèces de vieux préjugés sur nos voisins espagnols et italiens que l'on salue. Cécile, un mot peut-être sur cette étude précisément, pour réinjecter un peu de science là-dedans. Je complexifierai un petit peu la question, parce qu'il semble, selon d'autres études, que l'important, c'est d'identifier les émotions que l'on ressent. Ça a l'air simple comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Et d'ailleurs, on pense aussi qu'il y a entre 10 et 15% de personnes qui sont alexithymiques, c'est-à-dire qui ne reconnaissent pas leurs propres émotions. Et ça, effectivement, c'est un problème. C'est-à-dire ce qu'on doit aussi apprendre aux enfants. Il faut être capable de le dire, de l'exprimer. Après, il y a peut-être différentes façons d'exprimer ses émotions. D'ailleurs, c'est justement ce qu'il faut apprendre aux enfants. Quand si votre enfant se met en colère parce que vous lui avez dit qu'il fallait éteindre son écran pour aller manger ou faire ses devoirs, ou s'il est en rogne à cause de son petit frère ou de sa petite sœur, il faut lui dire qu'effectivement il est en colère, qu'il a le droit d'être en colère, c'est naturel d'être en colère, il ne peut pas faire autrement, mais qu'en revanche, il a un pouvoir sur l'expression de sa colère et que peut-être donner une torgnole à son petit frère ou insulter sa mère, ce n'est pas acceptable. Identifiez vos émotions, ne criez pas trop sur les gens autour et tout le monde s'en portera mieux. Un mot tout de même sur cette autre actualité dont on a beaucoup parlé au cours de cette semaine, cet objet extrasolaire qui ouvre effectivement des perspectives intéressantes, qui nous ouvre aussi l'esprit vers des ailleurs, peut-être avec la possibilité à terme de se préparer à pouvoir réagir plus rapidement et envoyer, comme on l'a pu entendre tout à l'heure dans le Journal des Sciences, une sonde ou un objet à sa poursuite qui pourrait faire quelques mesures. Il y a encore beaucoup de défis techniques autour de cette idée-là, mais néanmoins, c'est une idée qui a surgi suite à l'observation de ce Oumuamua. Olivier. Il y a beaucoup de choses autour de cet astéroïde qui, effectivement, on le voit depuis quelques jours, accroche l'intérêt du public dans le monde entier. Il y a cette forme très, très étrange, cette forme en cigare. Pour le coup, quand on parle de la détection des astéroïdes, on sait qu'on a été surpris les années passées par le surgissement d'astéroïdes qu'on n'avait pas vu arriver, notamment en Russie par exemple, en février 2015. Un objet qui a une forme aussi étrange doit être particulièrement difficile à détecter. Ensuite, ce qui est intéressant avec ce messager qui vient d'ailleurs de notre du système solaire, c'est qu'il peut être une indication de la composition des planètes à l'extérieur du système solaire. Donc c'est une photographie, c'est un témoin qui peut être tout à fait pertinent si on arrive à s'en approcher. Ce qui est un autre défi technique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on entendait dans le son, hein, on peut aller rechercher des isotopes qui ne seraient pas les mêmes. Hein. On a pu voir, par exemple, grâce à la mission Rosetta, que l'eau à la surface de Rosetta n'avait pas le même rapport isotopique hydrogène-deutérium que l'eau sur Terre, et que donc, vraisemblablement, l'eau sur Terre n'était pas le fait de bombardement de géocroiseurs. Oui, puisque ces objets célestes que sont les astéroïdes ont été formés il y a des milliards d'années, enfin aux origines de l'univers, et donc ils n'ont pas bougé quoi depuis cette époque-là. C'est ça qui est intéressant. Ils n'ont pas bougé parce qu'ils voyagent dans le vide intersidéral, et donc ils sont vraiment représentatifs de ce qu'était notre univers à son berceau. À ceci près qu'on entendait dans le son tout de même que là on ne sait pas exactement, que l'astrophysicien qui parlait, Olivier Hénaud, estimait qu'il était possible, compte tenu de sa forme, que ce ne soit pas un astéroïde entre guillemets naturel, mais le fruit d'une collision. Alors justement, il disait que probablement non, puisque évidemment il est d'un seul tenant, c'est ça la conclusion en tout cas, notamment parce qu'il a une force centrifuge extrêmement forte. Il est d'un seul tenant, ils en sont quasiment sûrs, donc il serait justement plutôt le fruit d'un cataclysme, ce qui peut être intéressant. L'autre question qui se pose, c'est évidemment qu'est-ce qui lui a donné cette forme, est-ce qu'il l'avait l'origine, ou est-ce que c'est son voyage qui lui a donné, et surtout qu'a-t-il traversé, puisqu'il semblerait, et c'est ce qu'il a répété Olivier Hénaud, qu'on soit le premier système solaire dans lequel il pénètre. Cécile, un petit mot sur... Ça ouvre évidemment, ça fait un peu rêver, parce qu'on sait bien que nous vivants, en tout cas autour de cette table, on ne sortira pas, on n'enverra pas d'objets en dehors de notre système pour pouvoir en rapporter de l'information. Si on l'envoie, en tout cas on sera plus vivant pour le moment où il reviendra. Je ferai juste un petit peu de publicité gratuite pour l'excellente exposition météorite qui est en ce moment au muséum, voilà, dont vous avez certainement dû parler. On en a parlé tout voilà, à fait. Mais qui vous permet effectivement de tout comprendre sur ces objets célestes bizarres, et même de les toucher, ce qui est assez formidable. Un dernier mot pour conclure sur ces défis techniques, parce que c'est et surtout sur les prochains télescopes, c'est ce qu'on entendait dire dans le Journal des Sciences. Normalement, c'est le premier, mais les suivants, comme les exoplanètes, ça devrait pas tarder. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir les voir de plus en plus vite, de plus en plus facilement, et donc peut-être se préparer précisément à pouvoir les étudier ou envoyer des missions express pour aller. Alors à cet égard, il y a beaucoup d'espoir aussi qui repose sur un autre télescope qui est le James Webb, le successeur d'Hubble, qui doit être lancé l'année prochaine, et qui effectivement ouvrira une toute nouvelle fenêtre sur les exoplanètes, les exolunes aussi, hein, on en parle beaucoup moins, mais on voit même dans le système solaire que c'est parfois sur les lunes telles Encelade, Europe, qu'il faut chercher des conditions qui pourraient être propices à l'émergence de la vie. Dernière chose, peut-être rappeler que des formes tarabiscotées sur les astéroïdes, ça existe. Hein, le fameux Chury, la première fois qu'on l'a vu, on s'est demandé si c'était un agrégat de deux corps différents, puisqu'il avait cette forme de cacahuète avec monstrueuse. Avec une sorte de creux au milieu. Ouais, et puis, ce sont uniquement les observations ultérieures qui ont permis de montrer que c'était un seul et même objet. Donc, le SIGARD, je me garderais bien de redire son nom. Il faudra le regarder à nouveau pour en savoir davantage à son sujet. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Sommes-nous condamnés à être privés pour toujours de voyage spatial au long cours ? C'est ce que tendrait à indiquer une étude récente sur les rayons cosmiques de haute énergie, des rayons qui seraient bien plus nuisibles que ce qui était établi jusqu'alors, et notamment pour notre cerveau, Cécile Lestienne. Oui, Nicolas, je connais votre penchant pour la science-fiction et que vous êtes amateur de voyages spatiaux. Donc quelqu'un vous a renseigné. Exactement. Et je n'ai pas pu résister à l'envie de vous parler de cet article. De briser mes rêves, je vous remercie. Ce dernier numéro de Pour la science. Pas tout à fait, Nicolas, on va y arriver quand même. Donc nous publions les résultats d'une étude menée par un chercheur américain notamment, Charles Limoli, qui est à l'Université de Californie, et qui s'est penché effectivement sur l'influence des rayons cosmiques sur le cerveau des astronautes. Évidemment, l'espace, ça on le sait depuis très longtemps, c'est un milieu hostile, il fait extrêmement froid, il n'y a pas de gravité, il n'y a pas d'atmosphère, et il y a le rayonnement cosmique. Mais là, il a voulu se pencher plus particulièrement sur l'effet que pourraient avoir ces rayonnements cosmiques sur leur cerveau et pas uniquement sur l'organisme en général, parce qu'on sait très bien que ça peut provoquer des cancers, mais là c'était est-ce que ça altère ou pas le fonctionnement du cerveau. Et oui Nicolas, il semblerait que ça le ramollisse. Beaucoup, mais alors peut-être qu'il faut nous redire déjà Cécile ce que c'est qu'un rayon cosmique, parce qu'on dit les rayons cosmiques au pluriel, mais effectivement oui. Il y a différents types de rayons cosmiques qui n'ont pas tout à fait la même influence oui, mais sur les tissus. Pour simplifier, on va dire que les rayons cosmiques, ce sont des particules chargées qui se baladent dans l'univers à des vitesses proches de celles de la lumière. Et ces toutes petites particules, ce sont des particules forcément sont très petites, peuvent transporter des quantités d'énergie très importantes par rapport à leur taille. Une petite particule peut avoir transporté, par exemple, une énergie capable de soulever un livre, par exemple, donc avoir un effet macroscopique. En ce cas, mais donc ça peut. C'est une. On parle d'une particule. Et donc ces rayonnements cosmiques se baladent dans l'univers. Et qu'est-ce que ça fait quand ça traverse Ils viennent d'où ces rayons cosmiques déjà? Qu'est-ce qui les émet? Alors, les rayonnements cosmiques viennent effectivement de notre galaxie, voire d'ailleurs de notre galaxie, probablement accéléré par les supernovas, et ça vient aussi des vents solaires et des explosions solaires, tous ces rayonnements qui peuvent nous toucher et qui ne nous touchent pas sur Terre, ou très très peu, un petit peu quand même, mais très peu, parce que nous sommes protégés par le champ magnétique terrestre et par l'atmosphère. Et alors, on va rentrer un peu dans cette étude, parce que on pourrait se dire que finalement, comme on envoie des gens dans l'espace depuis maintenant une petite cinquantaine d'années, c'est quelque chose qu'on aurait pu observer. On s'en est pas rendu si bien compte, et puis c'est pas si simple que ça, en fait. On n'a pas pu, parce qu'on a fait quelques voyages, on est allé sur la Lune, on n'est pas resté si longtemps. Et puis, évidemment, nous avons nos héros spatiaux, notre Thomas Pesquet National, par exemple, voilà, qui ont passé de longs mois, 6 mois, je crois, pour la dernière mission dans la station spatiale. Mais la station spatiale, à l'altitude où elle est encore protégée, en tout cas suffisamment protégée par le champ magnétique terrestre. Ça serait pas du tout la même chose si on partait vers Mars et qu'on restait 18 mois ou plus de 18 mois dans l'espace. Et alors, comment est-ce qu'on étudie les rayons cosmiques sur Terre si on ne va pas dans l'espace? Eh bien, c'est compliqué. c'est très compliqué. Je vous l'accorde, puisqu'on n'en a pas sur Terre. Voilà. Et là, cette étude a été menée au laboratoire du rayonnement spatial qui se situe dans l'état de New York où un des accélérateurs justement est dédié à ça et est source de ions énergétiques. Voilà. Et donc qu'est-ce que font ces ions énergétiques? Alors, quand ils traversent la matière organique et par exemple un corps humain? Voilà. Ce qu'ils font effectivement, c'est qu'ils arrachent du coup des électrons aux atomes et aux molécules qu'ils rencontrent, et ça après c'est un petit peu l'effet du schtroumpf noir, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'effectivement l'atome ou la molécule touchée va ensuite se déplacer et arracher d'autres électrons à d'autres atomes, etc. Et au bout du compte, vous avez un effet en cascade un peu comme ça qui peut détruire certaines molécules ou les modifier, les transformer. Ça peut faire des mutations génétiques, évidemment. Alors, il y a une question de dose, hein, et puis il y a aussi une question de ce qu'on pourrait appeler le débit, mais qui est plus scientifiquement appelé le transfert linéique d'énergie. C'est ça, voilà. Le TLE, c'est ça. En fait, voilà, il faut dire aussi qu'il y a des rayons cosmiques qui sont plus lourds que d'autres, hein, ceux qui transportent des supernovas, voilà. Notamment sont. Donc en fait, il y a un effet lié à la dose et il y a un effet lié. C'est plus simple de comprendre le débit, c'est-à-dire c'est plus ou moins ionisant. Donc, voilà. Donc en fonction de ça, ça a des effets un peu différents ou plus ou moins fort, plus précisément. Donc, dans ce laboratoire situé dans l'état de New York, ces chercheurs ont fait des expériences avec des souris, évidemment, pas avec des hommes. Ils les ont soumis à des doses pas très très fortes, d'ailleurs, hein, de rayonnement cosmique, parce que dans l'espace, ça serait pas non plus si fort que ça. Mais évidemment plus fort que ce que nous, on peut recevoir sur Terre. Et puis sur un plus longtemps. Et sur un plus longtemps, là, c'était effectivement sur un temps très limité, parce que c'est lié à l'accélérateur. Ils peuvent pas faire ça toutes les 5 minutes. Ils n'ont pas le temps d'accélérateur nécessaire. Et puis, ils ont observé ensuite le comportement des dites souris pour savoir si ça avait un effet sur leur capacité cognitive, sur leur mémoire, leur capacité d'apprentissage, avec des petites expériences assez simples. Vous mettez des souris dans une sorte d'enclos, et puis vous mettez des objets nouveaux, et puis quelques temps après, quelques heures, quelques semaines après, vous les remettez dans le même enclos, et puis soit vous avez mis de nouveaux objets, soit vous avez déplacé les objets, et vous voyez comment les souris réagissent. Et voilà. Et donc, et comment la curiosité de, parce qu'une souris en bonne santé est curieuse et va regarder les objets nouveaux, les objets qui ont été déplacés, et ça montre qu'elle s'en souvient ou qu'elle sait que c'est un objet nouveau. Eh bien, une fois après avoir été soumis à ces rayonnements-là, eh bien, 6 semaines après l'exposition, les performances de ces souris avaient baissé de 90%. Ce qui est quand même pas terrible. Et l'effet dure encore 12, 24 et même 52 semaines, ce qui est beaucoup pour une souris qui ne vit pas très longtemps, après l'exposition. Donc, pour aller voir de plus près, évidemment, ils ont regardé ce qui s'était passé à l'intérieur du cerveau de ces souris. Dans les neurones. Voilà. Et il semble donc que ces rayonnements affectent les dendrites et les épines dendritiques. Pour faire assez simple, ce sont des excroissances des neurones qui sont chargées de la conduction de l'influx nerveux. Bref, ça modifie le câblage neuronal dans certaines parties du cerveau. En tout cas, c'est ce qu'ils ont observé, notamment dans le cortex préfrontal médian. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi ces souris n'ont plus de mémoire, plus de capacité d'apprentissage. Et c'est qui est tout simplement un souci, parce que pourquoi envoyer des hommes dans l'espace pour qu'ils restent amorphes et qu'ils n'aient plus curiosité C'est-à-dire que s'ils arrivent effectivement sur place et qu'ils sont complètement neuneux, qui n'arrivent plus à sortir ou à mettre en place les protocoles pour lesquels ils ont été envoyés, évidemment, ça complique la tâche. Il y a autre chose qui est un autre enseignement de cette étude, c'est que ces dommages qui sont importants sont très localisés. Or, on connaît la plasticité cérébrale. Or, sur des dommages très localisés, eh bien, ça marche pas. Le cerveau ne peut pas rerouter quand c'est très ciblé. Ou a beaucoup plus de mal. Oui, en tout cas, on pense que ça serait compliqué. Évidemment, il faut faire d'autres études si on veut être absolument sûr de ça. Et notamment, il y a la question que vous souleviez tout à l'heure, qui est-ce que ça se passerait de la même façon si c'était libéré, ce rayonnement était libéré petit à petit et non pas en une seule fois. Bon, c'est sûr, mais quand même, ces premières études jettent de gros doutes quand même sur la santé de notre cerveau en voyage spatial. Mais peut-être qu'on peut faire quelque chose. Alors, quelles sont les solutions, Cécile? Comment faire pour protéger nos astronautes ou nos vaillants colons qui vont aller terraformer Mars? Alors, le mieux, ça serait de faire des vaisseaux en plomb ou des casques en plomb. Si on veut vraiment protéger les 10 astronautes. Mais bon, évidemment, ça pose tout de suite un petit problème, c'est que ça pèse beaucoup trop lourd. Donc la charge utile pour les voyages spatiaux, c'est une donnée importante. Voilà. Et puis, je ne sais pas si se mouvoir, même en microgravité, se mouvoir avec un casque en plomb, c'est si agréable que ça. Donc, il faudrait inventer de nouveaux matériaux. Ça n'existe pas pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en trouvera pas. Des matériaux plus légers qui ont la même capacité de protection que des métaux comme le plomb. Mais des recherches sur des blindages légers, voilà, ce genre de choses. De toute façon, il faut juste de le faire. Ensuite, on pourrait créer un champ magnétique artificiel autour du vaisseau. Mais là, ça pose une autre question, c'est qu'on ne sait pas du tout comment l'organisme réagirait à long terme dans un tel champ magnétique. Donc, ça serait une autre question à résoudre. Qui, de facto, serait beaucoup plus fort que celui qu'on ressent sur Terre. Absolument. Et puis, après, il y a encore d'autres voies de recherche qui sont effectivement les aliments, des médicaments qui pourraient agir, et notamment sur les... Parce que ces particules ionisantes fabriquent des radicaux libres, vous savez, ces fameux radicaux libres qui sont très mauvais pour la peau, pour la santé. Voilà. Et donc, ils pourraient agir là-dessus, mais pour l'instant, on n'a aucune piste de médicaments ou d'aliments qui protégeraient suffisamment pour résister à ce type de rayonnement. Mais peut-être demain. Peut-être demain. En tout cas, c'est pas immédiat, Olivier, une réaction à cette étude qui met un coup de frein sérieux, en tout cas, à la possibilité, ne serait-ce que de certains entrepreneurs qui veulent envoyer les gens sur Mars tout de suite. Oui. Mais c'est quand même un souci qui est pris en compte depuis longtemps. Évidemment, on n'a pas encore aujourd'hui le design de la fusée qui pourrait nous amener sur Mars, mais ça fait longtemps que des gens phosphorent sur ce à quoi ça pourrait ressembler. Et je me souviens de projets qui sont déjà maintenant, qui ont quelques années, où les habitacles de la fusée étaient entourés de réservoirs d'eau. C'est-à-dire que toute l'eau qui était nécessaire à pour se laver, pour boire, etc., l'eau recyclée, était entourée comme un cocon, l'habitacle, parce qu'une couche d'eau suffisamment épaisse a la propriété d'agir comme un bouclier face à certains types de rayonnement cosmique. Cécile. Moi, je suis très optimiste, je ne suis pas du tout décliniste, comme dit Nicolas tout à l'heure. Je pense qu'on va trouver des solutions. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'idée était de protéger suffisamment pour empêcher l'apparition des cancers. On avait beaucoup travaillé là-dessus. Enfin, beaucoup travaillé. On avait beaucoup réfléchi là-dessus. Voilà. Mais là, on est dans un autre ordre. C'est-à-dire qu'effectivement, pour déclencher un cancer avec des rayonnements, il faut vraiment de très, très, très, très fortes doses. ou une exposition vraiment très très très très longue, et ce n'est pas ce que montre cette étude sur les effets sur le cerveau. Rappelez, un voyage vers Mars, c'est combien de temps? À peu près, il y a deux scénarios, les scénarios courts et les scénarios longs. Je crois que c'est 18 mois aller-retour avec les fenêtres de tir. Oui, après on peut pas partir n'importe quand, donc on peut pas rentrer n'importe quand. On peut partir une fois tous les deux ans parce qu'il faut que la distance entre la Terre et Mars soit la plus petite possible. C'est en tout cas un voyage de au moins 16-18 mois. Oui, c'est un voyage au long cours. Après, moi j'ai l'impression que cette étude, elle montre, pour la voir d'une façon positive finalement, c'est qu'elle montre que ce sont des problématiques qui deviennent de plus en plus concrètes. Donc, on se pose la question maintenant, vraiment, de qu'est-ce qui va se passer, puisque c'est presque à portée de main. Et depuis quelque temps, on voit fleurir des travaux qui pointent du doigt les inconvénients d'un voyage entre la Terre et d'autres planètes. On se souvient, on en a parlé ici même, Nicolas, de l'histoire de ce petit ver, le nématode. Le nématode, oui, bien sûr, c'est l'élégance. Qui a la propriété de repousser quand on le coupe en deux. On coupe un bout de queue, la queue repousse sur Terre. Et qu'on coupe la tête repousse sur Terre. Et des nématodes avaient été envoyés dans l'espace, dans l'ISS, et certains d'entre eux ont eu un développement anarchique, enfin un, et il s'est retrouvé avec deux têtes. Deux têtes, oui. Une tête à la place de la queue. Ça a posé des questions sur la biologie, le développement cellulaire en absence de gravité. Donc, quid d'opérations chirurgicales, d'une grossesse qui serait menée dans l'espace. On entend parler aussi de plus en plus précisément depuis quelques temps des problèmes liés à la vue. On sait que la vue est un organe, enfin les yeux sont des organes qui sont vraiment touchés par le voyage spatial. Et il y a des astronautes, je me souviens que dans Science et Avenir, on avait eu une interview de Jean-François Clairvoy qui pointait ça du doigt en particulier. Et quand Pesquet est rentré, il a eu droit à toute une batterie d'examens et l'aspect vision a été mis un petit peu en avant parce que ça commence à monter. Maintenant, on sait que les astronautes peuvent revenir avec une déficience visuelle. Donc voilà, voyons les choses d'un côté positif. On commence à s'intéresser à ces sujets et on va voir que peut-être finalement la solution, c'est pas d'envoyer des hommes, c'est d'envoyer des robots. Thank you. galaxie de Morshiba, puisque nous irons tout à l'heure, à la fin de cette émission, faire un tour du côté de la mer morte. Mais pour continuer, peut-être que la solution aux voyages spatiaux au long cours, ce n'est ni le blindage, ni le champ magnétique, ni les médicaments, comme le suggérait tout à l'heure Cécile. Peut-être que la solution, c'est tout simplement d'y envoyer des robots. Et vu les progrès affichés récemment par plusieurs entreprises de robotique de pointe et l'augmentation progressive de leur acceptation sociale, Patrick Beau, qui a fini par nous rejoindre et que je salue. Bonjour Patrick. Bonjour. L'âge de la robotique est peut-être à portée de main finalement. Alors oui, il y a plusieurs infos moi qui m'ont frappé ces derniers temps par rapport aux robots, par rapport à leur amélioration, par rapport à leur évolution. Alors il y a eu cette info qui a pas manqué de faire parler d'elle il y a quelques semaines de ça. Donc l'Arabie Saoudite qui a donné la nationalité saoudienne à un robot pour la première fois, donc un robot qui s'appelle Sophia. Mmh. Et c'était dans le cadre d'un projet pharaonique qui a coûté plus de 500 milliards de dollars pour bâtir une cité hyper futuriste, donc en plein désert en Arabie Saoudite. Le projet s'appelle Neom, et l'idée serait d'y implanter davantage de robots que d'humains, donc les voitures seraient automatiques et la ville serait peuplée de robots. Donc on est vraiment dans une espèce de vision science-fiction, dans un fantasme SF. Et donc voilà, il y avait ce robot Sophia qui a fait cette conférence de presse en déclarant que c'était historique, donc premier robot à obtenir la citoyenneté. Donc ça a soulevé beaucoup de questions métaphysiques, philosophiques, notamment chez le New York Times, si je ne m'abuse, qui se posait la question de la religion des robots. Donc est-ce que les robots pourront adopter une religion, ou est-ce que donc on pourra leur en imposer une? Quelle sera l'éthique de cette question-là? Et puis il y avait quelques débats aussi autour du fait que Sophia, qui est un robot donc humanoïde de type féminin, présentait, vous l'avez certainement vu, puis on va vous mettre des liens sur le fil Twitter de l'émission, hein, avec donc un faciès très très proche, qui très très ressemblant à celui d'un humain, mais avec le cerveau composé de bon, on voit à travers, enfin, cerveau transparent, apparent, absolument, un cerveau mécanique et informatique apparent. Par ailleurs, voilà, c'est ce paradoxe qui est que ce robot femme va avoir finalement plus de droits que les femmes en ont en Arabie Saoudite, ce qui pose tout de même quelques questions éthiques et politiques un peu sensibles. On a d'ailleurs soulevé le fait que donc elle n'était pas obligée de se voiler, alors que normalement les femmes en Arabie Saoudite doivent être voilées, et donc ce robot avait plus de droits que les femmes de chair et d'os. Dans la foulée de cet événement, il y a eu d'autres innovations qui ont fait beaucoup parler d'elle. Donc déjà le robot Atlas, qui est un robot bien connu sur les réseaux sociaux, donc un robot de la société Boston Dynamics, qui fait beaucoup parler d'elle à chaque fois qu'elle crée une nouvelle machine, parce que là aussi on est dans ce rapport de fascination-répulsion, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on voit un robot qui fait la démonstration de progrès fulgurant, on est à la fois inquiet de ce que ça pourra donner, puisque le cinéma de science-fiction, notamment avec Terminator par exemple, nous a préparé à ce qui pourrait se passer si les machines devenaient trop performantes, si les ordinateurs devenaient trop intelligents. Donc il y a toujours des gens qui ont peur de ce qui se passera. Est-ce que les robots vont nous dominer tout à coup? Et en même temps, on peut pas s'empêcher d'être excité par cette perspective, puisque donc ça rejoint un peu la science-fiction. Et donc le robot Atlas est un robot particulièrement impressionnant, et là, dans les dernières semaines, il a affiché des progrès encore plus incroyables, puisque jusqu'à présent, le simple fait de marcher et encore plus de courir était déjà un exploit pour les robots. On a à l'esprit, par exemple, le robot Asimo de chez Honda, qui avait déjà pas mal de difficultés à se déplacer en marchant. Et là, celui-ci est capable non seulement de sauter, mais en plus de faire des sauts périlleux arrière. Donc visuellement, c'est très impressionnant, et on est obligé d'imaginer les applications militaires, par exemple. Et Boston Dynamics a aussi fait la démonstration d'un nouveau chien, puisque ils font des robots à la fois bipèdes et quadrupèdes. Donc un chien qui s'appelle Spot Mini, qui là aussi est l'évolution d'une sorte de chien, en tout cas d'animal quadrupède qu'ils avaient développé il y a quelques années de ça. Et donc celui-ci, manifestement, serait plutôt destiné au marché domestique, puisque les militaires ne seraient plus intéressés par ces robots, déjà parce que ils font trop de bruit, donc ce serait pas très discret sur un champ de bataille, et puis en plus ils pourraient pas porter assez de poids, en tout cas dans le cas de ce Spot Mini. On les appelait les mules en fait au départ. On va vous mettre évidemment des liens vers toutes les vidéos sur le fil Twitter de l'émission. Ce qui est intéressant, et surtout à l'émission que nous avions consacrée ici même une heure entière justement à ces robots de Boston Dynamics, qui convainquent pas complètement toute la communauté de la robotique et de l'informatique, hein, parce que je me souviens moi de nos invités qui disaient oui mais Boston Dynamics ils sont pas transparents du tout sur la façon dont ces robots fonctionnent, etc. Ils publient une vidéo de temps en temps et on sait pas si le saut périlleux du robot qui évidemment est très impressionnant quand on le voit là-dessus est une réussite sur 10 000 qui ont raté, qu'il manque tout de même il y a un souci de transparence dans leur approche à la publication de leurs travaux qui laisse toujours un peu peser un soupçon sur Boston Dynamics. C'est vrai qu'il y a quelque chose de mystérieux autour de cette société, donc qui appartenait à Google, qui depuis a été rachetée par SoftBank, et c'est vrai qu'on se demande un petit peu dans quelle direction ils vont, où est-ce qu'ils veulent en venir, qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas c'est vrai que ça manque pas de provoquer les fantasmes de tous les gens qui voient ces vidéos. Et si on combine ça à ce projet de future mégalopole dans le désert peuplé de robots, c'est vrai qu'on nage en pleine science-fiction, clairement. Puis Boston Dynamics, ils ont fait aussi un effort et un progrès par rapport aux premiers robots. C'est-à-dire que là, ces robots commencent à être designés. Et ça, c'est aussi une vraie transformation. Parce qu'avant, c'était des composants mécaniques, enfin, ça ressemblait à rien. Maintenant, ils commencent à avoir effectivement du design. On commence à être un peu, effectivement, dans la science-fiction. Ben, c'est vrai. Et c'est là qu'on comprend que, justement, ils essaient peut-être de séduire le grand public et que leurs robots ne sont plus destinés à servir l'armée, mais les gens qui voudraient peut-être avoir une alternative moins salissante que les animaux de compagnie. Je ne sais pas quel est leur but. Enfin, ça, Sony l'avait déjà fait. Bah, ils le refont d'ailleurs, puisque leur petit chien Aibo vient, qui a rencontré un grand succès, qu'ils vendaient à environ 1 500 € au Japon. Ils viennent de présenter très récemment le Aibo 2, qui est le retour de ce chien vedette, avec évidemment amélioré, avec des yeux en écran LED pour pouvoir avoir plus d'interactions. Ces petits chiens kawaii qu'on peut acheter à 1 200 €, qui sont des animaux de compagnie. Bah, je me demande s'il n'y a pas aussi quelque chose de rassurant dans la confiance qu'on peut porter à ce marché florissant de la robotique, puisque c'est une vision utopique d'un futur dans lequel la technologie résoudrait tous les problèmes et dans lequel les robots seraient intelligents, auraient une identité, etc. Alors qu'on nous parle aussi par ailleurs de risques d'effondrement. Et donc il y a cette peur que tout s'écroule et en même temps on se raccroche à ces espoirs de science-fiction en se disant peut-être que finalement tout va bien se passer et demain, voilà, donc on sera entouré de robots et ça se passera comme dans les films. Mais ce qui est certain, c'est qu'entre Boston Dynamics, Sophia, qui était reçue chez Jimmy Fallon aussi dans le late show célèbre aux États-Unis, ces petits chiens de Sony, on est en train de franchir un cap peut-être dans la place qu'occupe la robotique interactionnelle dans la société. On leur laisse une place qu'ils n'avaient pas il y a encore 10 ans. Mais il y a une acceptation. On est encore dans une période intermédiaire parce qu'il y a beaucoup d'effets en trompe-l'œil. Sophia, c'est quand même de la publicité et du marketing, et c'est quand même une opération qui dévalue le statut du citoyen. Puisque le robot Sophia donne l'apparence de l'humanité, mais elle n'a la très faible capacité d'action. C'est un chatbot, hein, Sophia, il faut le dire, c'est un robot conversationnel, elle ne sait rien faire d'autre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un problème qui montre peut-être une volonté de l'Arabie Saoudite de marquer des points dans le domaine de la science, de la technologie. Il se passe des trucs au niveau du monde arabe en ce moment sur ces questions-là. C'est un premier problème. Le second, c'est vrai que Boston Dynamics, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit par Patrick, on ne sait plus où ils habitent. Ils produisent des robots qui sont extrêmement impressionnants. La vidéo d'Atlas qui fait son salto, c'est extraordinaire. Et il faut la regarder jusqu'au bout parce qu'à la fin, ils se cassent la figure. Ils ont laissé la séquence. C'est vraiment extraordinaire. Néanmoins, cette société qui semble faire des produits vraiment à la pointe de la technologie, Google s'en est débarrassé. Elle était financée par des programmes de la DARPA. Les militaires n'en veulent plus. Oui, la DARPA qui est l'agence américaine de sécurité. Donc, que veut Boston Dynamics? Et c'est vrai qu'ils n'ont aucune transparence. Donc ça, c'est un deuxième problème. Ensuite, moi, ce qui me trouble beaucoup sur la question de la robotique, c'est, on est en 2017, c'est pas un scoop, c'est l'anniversaire de la première traduction des robots d'Asimov en France, 67. Et j'ai relu récemment les robots, et c'est vraiment, on parle souvent des lois de la robotique d'Asimov, mais on en parle à titre d'illustration, comme ça, c'est typiquement une intro de papier. Mais il pose vraiment d'une façon extrêmement pertinente la question de la prise de décision sur les résistoires d'Asimov. C'est pas du Frankenstein, c'est pas Terminator, justement. C'est pas le robot dangereux qui se retourne contre l'humain qui l'a créé. Il met le doigt sur la problématique qu'on met aujourd'hui sur la voiture autonome. La voiture autonome, elle a été achetée par quelqu'un, mais à un moment, elle va elle risque de faucher trois enfants qui traversent la route parce qu'ils ont passé hors du passage clouté. Qui est-ce que la voiture décide de tuer? Et ça, c'est des questions. Le conducteur ou les enfants, oui. C'est des questions que pose qu'Asimov a essayé de mettre en forme de façon extrêmement concrète dans ses règles. Cécile. Oui, je suis d'accord avec Patrick, cette idée de fascination-répulsion qu'on a en ce moment avec les robots et l'intelligence artificielle en général, c'est une vraie question qui nous remet en question, j'allais dire, quel est le propre de l'homme dans cette histoire, quelle sera notre place dans le développement de l'intelligence artificielle, même si effectivement pour l'instant, les robots, l'intelligence artificielle, c'est faire des choses en général beaucoup mieux qu'un être humain, mais une seule chose. Et donc, on n'en est pas encore au fait qu'un robot, une intelligence artificielle, une machine quelconque, sache faire autant de choses qu'un homme. Mais ce qui ne veut pas dire que nous ne serons pas remplacés par des robots. Mais cette citoyenneté saoudienne pour Sophia, c'est de la bonne, c'est de la mauvaise pub, c'est un mauvais coup politique, comme le disent Patrick et Olivier, vous pensez? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Là, je m'exprime vraiment à titre personnel. Je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il faut en penser, mais ce que moi j'en ai pensé, ça m'a mis très mal à l'aise quand j'ai vu passer cette information. Effectivement, pour les raisons qui ont été citées tout à l'heure, un robot qui a plus de droits qu'une femme de chair et d'os en Arabie Saoudite, ça pose vraiment des questions. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Dernier sujet cette semaine, si vous comptiez partir vous ressourcer au bord de la mer morte, n'attendez pas trop longtemps. Non seulement son niveau baisse chaque année d'un peu plus d'un mètre, mais cet assèchement génère la multiplication de dolines dans la région alentour. Ces crevasses qui peuvent atteindre, elles, plusieurs dizaines, voire des centaines de mètres, et qui apparaissent, Olivier, spontanément, et qui pourraient finir par engloutir carrément toute la région. Oui, alors les dolines, on connaît un peu ça, parce que il y a souvent des images qui émergent sur Internet de trous immenses, qui peuvent faire des dizaines de mètres de profondeur, des dizaines de mètres de diamètre, et qui peuvent surgir du jour au lendemain dans une ville. Il y a eu des exemples au Canada, la chaussée s'ouvre littéralement sous les pieds des passants, sous les roues des voitures. Ça fait le bonheur des théoriciens du complot. Oui, parce qu'évidemment, à chaque fois on parle de chute de météorites ou de sites d'atterrissage d'extraterrestres, en fait, il y a rien de... C'est beaucoup plus simple que ça. Et effectivement, à l'heure actuelle, la mer morte offre un exemple saisissant de ce que peuvent être les dolines et comment elles peuvent dénaturer une région et la mettre littéralement en danger. Il y a des images aériennes qui sont très facilement disponibles, des rivages de la mer morte, côté Jordanie, côté Israël, côté Palestine. Et on a vraiment l'impression de voir un ticket de métro sur lequel le poinçonneur des lilas se serait énervé de façon frénétique. Il y a des trous partout, quoi. Il faut peut-être dire un mot de l'assèchement de la mer morte, puisque a priori ces dolines sont une conséquence de son assèchement et qui pour le coup a un effet a priori anthropique, Olivier. Alors d'après effectivement les chercheurs qui se sont... Il y a un chercheur jordanien, le professeur Karaki de l'université de Amman, qui travaille depuis des années sur cette question avec un de ses collègues belges qui s'appelle Damien Klossom. Et ils se sont rendus compte, il y a un fait qui est avéré, c'est que le niveau de la mer morte baisse. En 50 ans, on est passé, la mer morte est la seule la zone immergée sur Terre qui a la plus basse altitude. On est à moins 430 mètres de la surface de... Aujourd'hui, on est à moins 430. Il y a 50 ans, on était à moins 350. Et la surface de la mer morte a perdu un tiers environ depuis ce même laps de temps. Donc on sait que la mer morte, peut-être qu'elle aura le destin de la mer d'Aral, par exemple. Clairement, la perspective d'une mer morte qui aura disparu, ça n'est pas invraisemblable. Et pourquoi est-ce que le niveau d'eau diminue tellement? C'est parce que la mer morte était alimentée par la rivière Jourdain, qui depuis 50 ans, dont les eaux sont déroutées depuis 50 ans pour alimenter les populations locales, les sites industriels, l'agriculture, qui est énormément consommatrice d'eau. Donc on est arrivé à un point où le niveau d'évaporation de l'eau de la mer morte était compensé par l'arrivée du Jourdain, mais à force de barrages, on n'en est plus à cet état d'équilibre. Donc l'eau a baissé. Il y a moins d'eau salée dans la mer morte. Et c'est directement lié au problème des dolines. Pour quelle raison? Parce que il y a évidemment, au niveau des rivages sous terre, il y a énormément de cavités, d'anfractuosités qui étaient comblées par d'énormes agglomérats de cristaux de sel. Mm-hmm. Précédemment, ces cristaux de sel étaient trempés par l'eau salée de la mer Morte, il y a 30% de sel dans la mer Morte. Donc c'était de l'eau qui était déjà saturée en sel et qui ne pouvait donc pas faire fondre les cristaux de sel qui étaient dans ces caves souterraines. Aujourd'hui, l'eau salée s'étant retirée, il y a plus de place pour de l'eau douce qui vient de la pluie, qui vient des nappes phréatiques et qui vont donc trouver leur chemin jusqu'à ces caves souterraines qui sont remplies de cristaux de sel qu'elles vont faire fondre. Donc à la place de zones qui étaient comblées par les cristaux, on a des zones qui sont évidées et quand la surface de terre au-dessus des trous devient trop faible, eh bien ça s'écroule et ça s'écroule de façon extrêmement rapide. Oui, et des dolines, il y en a des petites, la plupart sont effectivement, comme vous le dites, des poinçons, mais il y en a qui sont au contraire beaucoup plus grandes, beaucoup plus profondes, qui peuvent s'effondrer sur des centaines de mètres, sur des dizaines de mètres de profondeur. Et d'ailleurs, le paysage a déjà changé, des ponts se sont déjà écroulés, l'urbanisation a été revue à cause d'un certain nombre d'effondrements déjà. C'est ce qui inquiète ce duo de chercheurs qui ont un peu l'impression, c'est le cas de le dire en parlant de la région, de crier dans le désert. En fait, j'ai rencontré moi le chercheur jordanien à l'occasion d'un événement scientifique, le Forum mondial pour la science qui avait lieu en Jordanie, et il donnait cette conférence devant dans une petite salle de cet événement, et il y avait là des gens qui avaient du pouvoir quoi en Jordanie, des gens qui prennent des décisions, qui se sont retrouvés dans la salle un petit peu par hasard et qui faisaient des yeux comme des soucoupes en entendant le discours de ce scientifique qui dit depuis 97 j'essaye d'alerter sur ce problème des dolines. Parce qu'effectivement, il y a des routes qui ont été détruites. Il y a beaucoup de sites industriels dans la région. Il y a notamment une grande entreprise jordanienne qui s'appelle APC, qui est une entreprise qui construit qui fabrique des engrais. Et elle a son homologue côté israélien avec une autre entreprise qui s'appelle Dead Sea Works. Ils font la même chose. Ils pompent de l'eau salée. Ils l'installent dans des grands bassins de rétention qui sont fermés par des digues, par des levées de terre. Et il faut que l'eau s'évapore dans ces bassins pour ne laisser que les sels minéraux à partir desquels ils vont pouvoir ensuite fabriquer des engrais. Eh bien, en 2000, il y a des digues qui se sont effondrées sur plus d'un kilomètre et qui ont été à l'amorce de la destruction de ces sites industriels. Et ce sont les dolines qui, formant les trous, font tout s'effondrer comme des châteaux de cartes. Et l'étude indique que la région entière pourrait s'effondrer. C'est pour faire peur, c'est pour susciter une réaction ou est-ce que c'est une réalité ? La réalité, c'est que les chercheurs sont surpris par le développement exponentiel des dolines. Ils considèrent que finalement, il y a dû toujours en avoir dans le coin. Après tout, le Jourdain lui-même amène de l'eau salée dans la région. Donc ce phénomène de disparition des cristaux de sel qui sont dissous dans l'eau douce, il a toujours existé. Mais précédemment, les zones qui étaient recouvertes par l'eau salée étaient absolument inatteignables. Donc aujourd'hui, il y a 50 ans, on parlait de quelques dizaines de dolines. En 2015, ils les avaient chiffrés à quelque 3000 dans la région, et maintenant ils en sont plutôt à 6000. C'est ça, c'est-à-dire que l'augmentation est plutôt exponentielle. Un mot pour conclure, Olivier, quelle solution ? Est-ce qu'il faut casser les barrages, remettre à flot le Jourdain pour que la mer Morte se remplisse à nouveau ? Ça paraît difficile, on parle d'un projet de pipeline pour approvisionner la mer Morte à partir de la mer Rouge. Effectivement, on a longtemps parlé de ce projet de pipeline, 200 km de pipeline pour relier la mer Rouge à la mer Morte. Israël et la Jordanie s'étaient mis d'accord là-dessus. Le projet est gelé à l'heure actuelle. Avec tous les problèmes écologiques et environnementaux que ça peut poser. Alors, relier deux régions qui sont des écosystèmes différents et donc d'importer l'un de l'autre. S'il est gelé, là, c'est d'abord pour les raisons politiques, mais effectivement, on peut se demander si ça pourrait pas générer plus de problèmes qu'apporter de solutions. Et d'autres solutions à part ça qui sont à l'étude, ou justement de remettre à flot le Jourdain, ça paraît difficile, mais... Non, les solutions les plus sérieuses, elles sont de l'ordre de l'analyse cartographique, enfin, bien regarder avec l'imagerie satellite qui est maintenant extrêmement abondante, de bien regarder la région, les zones qui peuvent être constructibles et celles qui ne le sont pas. Donc c'était vraiment le message de ce scientifique, de cet universitaire, à l'attention des politiciens et des représentants du pouvoir jordanien qui étaient là. C'était quand même un événement qui était présidé par la princesse Soumaya de Jordanie, qui est la belle-sœur du roi. Hein. Enfin, c'est des gens qui ont du pouvoir. Et le message, c'était de dire, il faut pas construire n'importe où. Et jusqu'à présent, on a construit n'importe où. Moi, j'ai séjourné dans un hôtel qui était sur les rives de la mer Morte. En descendant vers la mer, on voit que tout est de briques et de broc. Et au début, on a l'impression, on se dit, tiens, cet hôtel a été mal construit. Tous les autres sont pareils. Il y a vraiment un danger. Cécile. Moi, j'ai une question, justement, puisque cette conférence était dans une petite salle. Est-ce que tu penses que le message a été entendu? Moi, j'ai vraiment été surpris par l'attention qui a été portée par les officiels qui étaient dans le public et la façon dont ils l'ont ensuite abreuvé de questions sur comment ça se fait qu'on n'était pas au courant, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais à qui avez-vous fait passer le message? Il a montré, et c'était le lanceur d'alerte du World Science Forum, puisqu'il a montré même des coupures de presse qui dataient de 97 de ses premiers papiers scientifiques, où les journalistes le prenaient de haut, où les responsables politiques lui disaient « Écoutez, vous faites peur aux gens avec ces histoires. » Mais maintenant que les routes commencent à s'effondrer, effectivement, on va peut-être l'écouter avec plus d'attention. Et puis peut-être que pour remédier au problème d'urbanisme autour de la mer Morte, finalement, Cédoline, c'est la solution la plus efficace. Ne construisez pas, sinon tout va s'effondrer. Ça va dissuader les promoteurs immobiliers. Un dernier mot, comme d'habitude, un tour de table sur une actualité scientifique que vous auriez notée, ou à venir, ou passée, et que vous voulez nous faire partager. Cécile. Une actualité quasi scientifique, passé. C'est vrai qu'il y a deux jours, pour la science a fêté son anniversaire, son 40e joyeux anniversaire. Mais nous en avions parlé ici. Exactement. Même avec vous. Là, nous l'avons fêté au Palais de la Découverte avec Étienne Klein, Jean-Claude Amezen, Gilles Dobouek, Roland Lehoucq, Valérie Masson-Delmotte et Cécile bien. Michel. Que des gens qui viennent à la méthode scientifique. Effectivement. Mais des gens bien par ailleurs. Et les questions. Et la question du jour était assez large. Les défis d'hier et d'aujourd'hui qui sont posés à la science et par la science. Et voilà, et le résultat était vraiment très intéressant, parfois très drôle et étonnant, avec une discussion justement aussi à la fin sur la place de la médiation scientifique à l'heure où l'information scientifique est disponible un peu partout. Et donc, je vous envoie le lien, Nicolas. Volontiers, et puis on va le mettre sur le fil Twitter de l'émission. Exactement, surtout. Exactement, dès que mon téléphone sort de mode avion. Très bien, Olivier. Moi, il y a une actu scientifico-éthique, je ne sais pas comment la qualifier, c'est l'opération de Canavero. La grève de tête. La grève de tête qui a eu lieu en Chine, enfin en tout cas, elle a été. Le fait qu'elle ait eu lieu a été connu lundi dernier, elle a été menée sur des cadavres, et Canavero a fait une publi. Qu'on a fait décrypter à Science et Avenir par une neurochirurgienne qui pointe des éléments intéressants, enfin qui montre que scientifiquement il y a des choses, c'est pas du vent, mais on aimerait entendre des gens qui puissent intervenir là-dessus et qui puisse dire d'un point de vue éthique les problèmes extrêmement conséquents que ça pose. Eh bien écoutez, vous savez quoi, on va vous remettre le lien vers l'émission que nous avions consacrée au progrès en termes de greffe, où on a parlé évidemment à la fin de Canavero et de ce projet de greffe de terre. Merci beaucoup à tous les trois, Cécile Lestienne, pour la science. La couverture, les nouvelles pistes des sources chaudes terrestres, les volcans berceaux de la vie. Science et Avenir, Olivier Lascar, l'avenir est quantique, le premier qui maîtrise les photons devient le maître du monde. Et Patrick Beau, votre bébé, je le disais en début d'émission, lieu secret, merveilles insolites de l'humanité chez Duno. Peut-être une prochaine vidéo sur Axolot sur la chaîne YouTube. Oui, une série de vidéos sur les merveilles méconnues du monde, un peu dans la lignée justement des livres. Pour ajouter de l'image qui bouge à l'image fixe, merci beaucoup à tous les trois, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, à la technique aujourd'hui, Bernard Laniel. La suite de vos aventures sur France Culture, le club du grain à moudre, Hervé Gardette demandera à ses invités du vendredi dit loi travail comme une lettre à la poste point d'interrogation. Dans un instant, c'est le magazine de la rédaction des terres ou des hyper quand la ville gagne sur la campagne d'Anne-Lorchouin. Et puis pour ce qui nous concerne, eh bien la semaine prochaine, dans le labo de la méthode scientifique, nous avons contacté le programme suivant. Lundi, nous nous demanderons où sont passés les insectes disparus. Mardi, vous comprendrez tout sur le condensat de Bose-Einstein. Mercredi, on vous explique les effets spéciaux numériques dernier cri. Jeudi, grand entretien avec Claire Mathieu, nouvelle titulaire de la chaire informatique et sciences du numérique au Collège de France. Et vendredi, fiction, on peut rire avec la science, et pendant longtemps nous parlerons de la série Big Bang Theory qui diffuse cette année sa 11e saison. On se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.